L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut ? Il y a 2 semaines, je vous racontais la découverte de nouvelles bouffées rapides d'ondes radio observées dans la source FRB-121102. La bouffée d'ondes radio la plus bizarre des 18 connues à ce jour. Les FRB étant elles-mêmes parmi les phénomènes les plus bizarres et les moins bien compris aujourd'hui. De nombreuses équipes s'intéressant naturellement à cette source, l'une d'elles vient enfin de trouver où se situe exactement FRB-121102, dans une toute petite galaxie distante de plus de 3 milliards d'années-lumière. La plupart des astrophysiciens, à partir de l'étalement spectral, ce qu'on appelle la dispersion, du rayonnement radio de FRB-121102, pensaient bien qu'elle devait se situer bien au-delà de notre galaxie. C'est désormais démontré par la trouvaille de la galaxie hôte de l'objet produisant cette bouffée rapide d'ondes radio. Connaissant la distance plus précisément, les astrophysiciens peuvent maintenant mieux calculer l'énergie émise par cette source et donc plus facilement contraindre quelle peut être son origine, quoique toujours inconnue. FRB-121102 est la seule FRB à ce jour à avoir été observée plusieurs fois, de manière répétitive, mais de façon très aléatoire. C'est cette multiplicité de bouffées qui a permis sa localisation précise, grâce à des observations effectuées avec le Carl Jansky Very Large Array au Nouveau-Mexique. En scrutant la région d'origine des premières bouffées durant 6 mois avec un total de 83 heures d'observation, les chercheurs ont réussi à détecter 9 nouvelles bouffées rapides. Ils ont également détecté, par la même occasion, une faible émission radio provenant de la même région du ciel. À partir de la position de ces nouvelles bouffées, l'équipe d'astrophysiciens a pointé le télescope Gemini North à Hawaï dans cette direction et a enfin trouvé une galaxie très faible qui coïncide parfaitement avec cette position. Des mesures du décalage spectral de la lumière de la galaxie ont fourni immédiatement sa distance, qui est de 972 mégaparsecs, soit 3,17 milliards d'années-lumière. Shami Chatterjee de l'université de Cornell, Srinarsh Tendulkar de l'université McGill, Benito Marcotte du VLBI et tous leurs collègues montrent ainsi que l'énergie dégagée lors d'une de ces bouffées d'ondes radio en l'espace de 5 millisecondes surpasse l'énergie rayonnée par toutes les étoiles de sa galaxie hôte. Cette découverte importante est détaillée dans pas moins de 3 articles, le premier dans Nature cette semaine et les 2 autres dans The Astrophysical Journal Letters. La galaxie hôte de FRB-121102 est une toute petite galaxie dont la masse n'est seulement que de 1 millième de celle de notre galaxie, pour une dimension 10 fois inférieure. Ce qui surprend les chercheurs, c'est justement cette pauvreté de la galaxie hôte en étoiles, même si elle montre un taux de formation d'étoiles assez soutenu pour une galaxie de ce type, avec 0,4 masse solaire par an. Comme on estime que la source de ces FRB devrait préférentiellement être des étoiles à neutrons, des pulsars fortement magnétisés, qu'on appelle des magnétars, on devrait plutôt les rencontrer dans un environnement riche en étoiles. D'un autre côté, les galaxies naines ont la particularité de contenir du gaz contenant peu d'éléments plus lourds que l'hélium, et donc sujettes à produire des étoiles plus massives. Et qui dit étoile massive dit supernova et donc production de pulsars. Mais l'hypothèse pulsar n'est pas la seule. Et oui, les nouvelles données du VLA, qui montrent la présence d'une source radio continue très proche de la localisation de la FRB, suggèrent que cette dernière est voisine d'un trou noir supermassif et qui serait à l'origine de la source radio continue. L'équipe internationale a donc cherché à détailler plus précisément ces différentes sources radio, grâce à d'autres radiotélescopes comme le VLBI, Arecibo ou le VLBA. Ils sont parvenus à déterminer que la distance entre le point d'origine de FRB 12-11-02 et la source radio continue n'excédait pas 100 années-lumière. Il se pourrait alors qu'il s'agisse du même objet et que les bouffées rapides soient liées à de la matière tombant dans le trou noir. Les deux hypothèses sont donc toujours possibles. Les galaxies naines sont d'ailleurs connues pour abriter, avec une plus grande probabilité, des bouffées longues de rayons gamma et des supernovas superlumineuses. Nous sommes peut-être également en présence d'un mix des deux hypothèses, un magnétar produisant des effets à proximité d'un trou noir supermassif, ce qui expliquerait la rareté de ces observations. Quoi qu'il en soit, maintenant que les astronomes connaissent la galaxie d'origine de ces émissions radio surprenantes, ils vont pouvoir scruter dans toutes les longueurs d'onde possibles cette galaxie naine à l'allure insignifiante pour comprendre l'origine exacte du phénomène. L'élément crucial à mettre en évidence sera l'existence ou non d'une pulsation ayant une fréquence de répétition donnée dans les signaux. Cela indiquerait un phénomène lié à une rotation, donc plutôt un pulsar. La surveillance d'autres FRB en tentant de trouver si leur galaxie hôte, s'ils en ont une, est aussi une galaxie naine, permettrait également de déterminer si FRB 12-11-02 est un phénomène très particulier ou bien s'il est typique de toutes les FRB. Les trois articles de la vaste équipe internationale qui a obtenu ces très jolis résultats donc, sont les suivants. Le premier dans Nature, daté du 5 janvier 2017, et il s'intitule « A Direct Localization of a Fast Radio Burst and Its Host » par Chatterjee et Tal. Le deuxième s'appelle « The Host Galaxy and Redshift of the Repeating Fast Radio Burst FRB 12-11-02 » par Tendulkar et Al dans Astrophysical Journal Letters, le numéro 834 en date du 10 janvier 2017. Et enfin, le troisième s'intitule « The Repeating Fast Radio Burst FRB 12-11-02 as seen on milliarcsecond angular scales » par Benito Marcotte et Al, bien évidemment, toujours dans Astrophysical Journal Letters, le même numéro en date du 10 janvier 2017. Allez, restez bien à l'écoute sur le www.sasepasselahaut.fr. Ça se passe là-haut, le blog ou l'univers des FRB, oui, des FRB, des Fast Radio Bursts, se contemple indéfiniment. Et vous retrouvez cette émission toujours sur iTunes, toujours sur PodCloud, toujours sur Stitcher, toujours sur le blog. D'ici la prochaine, portez-vous très bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut !